Directement du mois de décembre 2006, bienvenue à C'était fou. Bonjour et bienvenue à l'émission C'était fou, mon nom est Mathieu Plante. C'était fou, c'est une émission qui a pour mission de se frayer un chemin à travers la gigantesque discothèque de C'est fou depuis ses débuts en 1997. À chaque fois qu'on se rencontre, une semaine est choisie au hasard. Cette fois-ci, c'est la semaine du 1er au 7 décembre 2006. Nous entendrons le top 3 francophone et le top 3 anglophone avec des artistes et des groupes tels que Ma Tante Frac, Grimmskunk, Les Trois Accords, The Fratellis, Plus 44 et encore une fois Grimmskunk. Oui, on écoutera aussi un extrait d'une émission qui était en onde pendant la session choisie. Cette semaine, ce sera l'émission culturelle Les Culturistes avec Alexandre Gauthier et Guillaume Jeannette-Janson. Donc une belle heure de nostalgie comme quoi il n'y a pas qu'à la télé qu'on peut fouiller dans les archives. C'était fou, c'est fou, rembobiné. On commence cette édition avec nos positions numéro 3 de chaque côté. En anglophone, c'est Grimmskunk avec Fires Under the Road. Et puis du côté francophone, on va débuter l'émission avec ça. Voici les trois accords avec Gratte-moi au 89.1 FM. C'était fou. Hein? Vous voyez ce que j'ai fait là? C'était fou. C'est comme... C'est fou au passé. Hein? C'est... Gratte-moi, gratte-moi avec vigueur. Gratte-moi, gratte-moi avec vigueur. Pendant les orages électriques, je vais chasser le porc épique. Une perche de 12 mètres en bambou. Gratte-moi, gratte-moi avec vigueur. Gratte-moi, gratte-moi avec vigueur. Je mets un habit rouge fluo et je provoque les taureaux. En me grattant, ceux-ci trouvent tout ce que je suis. Tout comme un animal de compagnie, je suis tout. Tout comme un animal de compagnie, je suis tout. Tout comme un animal de compagnie. Now I can see. on the wall. Now when I see them, I can recall. The circle will grow smaller year after year. The faces all grew older and some disappeared. I was blinded by the fall, but now everything is clear. Drop the fence and then play games with the dead. Drop the fence and then play games with the dead. Haunted by the sad tales of the grave. Haunted by the sound tales of the shadows of tombstones that dance in the moonlight. Follow the path that leads towards the light, that leads to the fires on the road. Keep us safe from winter's cold. Yeah. numéro 2. Plus 44 et When Your Heart Stops Beating, la pièce titre de leur album, qui est en position numéro 2 du palmarès de la semaine du 1er au 7 décembre 2006. Vous êtes à C'était Fou, où on vous présente évidemment un palmarès dans une semaine donnée. Avant, c'était Grimmskunk avec Parfait Perdant en deuxième position franco. C'est sur leur album Fires Under the Road. Et c'était aussi Grimmskunk en troisième anglophone qu'on a entendu juste avant. Et la pièce titre Fires Under the Road, c'est très très rare qu'on voit une formation des deux côtés en même temps. Donc c'était très beau à voir et à souligner en même temps. Voilà. Au début du bloc, c'était les trois accords avec Gratte-moi qui était en troisième position stable sur leur album Grand Champion International de course. Il nous reste seulement les positions numéro 1 à entendre pour cette portion d'émission. Plus tard, on va entendre un extrait d'une émission en onde à l'époque du donc 1er au 7 décembre 2006. Voilà. Du côté anglo, la position numéro 1, c'était The Fratellis avec Henrietta. Mais on débute avec DJ Ma Tante Frac. Voici Je ne suis qu'un oursin. C'était fou! Au 89 FM. Thank you. miss you when you follow us. Buy us some shoes and maybe take us for cola. We'll get you there in some filthy big gondola. And it's clean out the fine can bump up your daddy. You can come live with us amongst the husbands and the addicts. These are crazy times down at Castello Music. You can once have a fall and talk any way you choose it. Come on, oh come on, oh come on. C'était les positions numéro 1 de la semaine du 1er au 7 décembre 2006 à l'émission C'était fou, l'émission qui rend Bobine C'est fou. Ça, c'était The Fratellis avec Henrietta de l'album Costello Music. On a entendu juste avant DJ Ma Tante Frac avec Je ne suis qu'un oursin de l'album Une fille comme moi. Et Ma Tante Frac qui est encore active dans plein de choses. Allez voir frac.qc.ca pour voir entre autres des capsules vidéo, des capsules audio, podcasts, sketch, etc. C'est www.frac.qc.ca. Un retour de la pause, on écoute un extrait d'archives de la semaine du 1er au 7 décembre 2006. C'est les culturistes. Alors restez avec nous à C'était fou! Oh. Bon, vous êtes toujours à l'émission C'était fou, où on rembobine, c'est fou. On est dans la semaine du 1er au 7 décembre 2006. Tout à l'heure, on a écouté le top 3 francophone et top 3 anglophone. Plus tard dans l'émission, on va entendre d'autres extraits de ces deux top 15 à l'époque, où on avait deux top 15, hein, franco et anglo. Hein, maintenant, c'est des top 20. Hein. Mais maintenant, avant, c'est le moment que j'attendais, que j'avais hâte de vous faire entendre. Hein. C'est un extrait d'une émission qui était à l'affiche en onde lors de ces dates si importantes, 1er au 7 décembre 2006. On écoute donc un extrait de l'émission Les Culturistes, animé par Alexandre Gauthier et Guillaume Cholette-Janson. Diffusion originale, 4 décembre 2006. Bonjour et bienvenue au Culturiste, mesdames et messieurs, émission culturelle sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle du nouveau CD de Dumas. On a eu une grosse semaine en côté politique, on a un nouveau chef du parti libéral au fédéral et le Québec est une nation. Hurrah! Et Alexandre, tu nous as trouvé une petite anecdote cette semaine dans le journal Le Nouvelliste. Qu'est-ce que ça parle? Ben oui, dans l'édition Weekends Nouvelliste, on nous apprenait que les bingos sont maintenant à l'ère de la récupération à Trois-Rivières. Oui, effectivement, il y a un regroupement de bingos à Trois-Rivières qui s'est mis à l'ère du recyclage. Donc, c'est pas moins de 82 000 feuilles de bingo par semaine qui vont pouvoir désormais être recyclées au lieu d'être jetées directement à la vidange. Alexandre, on est en 2006 et ces gens-là viennent de constater que 80 000 feuilles par semaine, c'était peut-être récupérable? En effet, et c'est drôle parce qu'ils mettent des statistiques là-dedans. Moi, je me suis dit 82 000 feuilles. Je ne sais pas combien de feuilles tu peux passer dans une soirée, mais ça en fait de la feuille, ça. Donc, ils disent qu'en moyenne 300 joueurs par semaine qui font 11 joutes différentes et chaque joute requiert 25 feuilles. Donc, on s'imagine que ça en fait de la petite pinouche à mettre là, des B17, des B15, des tabarouettes. Moi, je me dis qu'ils devraient faire ça électronique, là, mais je comprends pas encore. Bon, ben, au moins s'ils recyclent. Puis s'ils peuvent faire ça sur du papier recyclé, on envoie un message à tous nos amateurs de bingo. Je sais pas, c'est-tu recto verso, ces feuilles-là? Ben, ça me surprendrait beaucoup. Mais ce serait une bonne idée d'innover là-dedans. Oh, ben oui, mais je pense que, tu sais, justement, parce que t'as ton étampe, là, qui, ça doit traverser de deux bords. Tu sais, la feuille est peut-être faite bien mince pour économiser du papier, puis au bout du compte, ben. Ah, ils pourraient reprendre les vieux papiers de Bible. Pas trop de personnes qui lisent ça à cette heure, hein. On sait pas, hein. Pour tout de suite, on est, ma foi, perplexe par ce qu'on lit dans le journal ce matin ou de cette semaine. On a trouvé notamment que Starbucks, un des plus grands magasins de café au monde, voulait prendre le virage éthique, et ce n'est pas le seul. Non, il y a aussi Vanout qui fait depuis longtemps dans le café, qui a plusieurs variétés de café, et qui là maintenant se donne dans le café biologique et équitable avec des variétés comme le 100% colombien corsé, Terra Inca corsé, mélange Amazonie, décaféiné à l'eau suisse veloutée. Il y en a plein. Donc, c'est un drôle de virage. Finalement, ça montre que le café équitable, peut-être même la consommation équitable en somme, c'est plus qu'une mode. C'est vraiment un mode de vie qui s'impose de plus en plus. Et il y a même de l'argent à faire avec ça. C'est peut-être pour ça que les grosses compagnies commencent à embarquer et à emboîter le pas. Oui, tellement qu'en même temps, on nous disait que, ben, en fait, le café équitable, pour vous rappeler généralement, grosso modo, comment ça fonctionne, c'est que c'est des distributeurs, des petits distributeurs, en fait, qui sont payés des salaires donc plus décents et qui font ça à la main, donc qui sont propriétaires de leurs terres. Ils sont pas exploités par un grand propriétaire terrien. C'est vraiment les petits, les fermiers, ma foi, qui sont propriétaires de leurs terres, qui récoltent le café, et c'est ce qu'on appelle du café biologique et équitable. Sauf que là, la demande est tellement grande que les petits propriétaires ne sont plus capables de fournir la demande. C'est un peu ironique, mais ma foi, ça va dans le bon sens. On peut juste espérer qu'il y ait plus de petits producteurs au lieu de... Parce que la consommation de café est pas plus importante au bout du compte. Et si les gens voulaient se procurer du café équitable ou des produits équitables, Guillaume, où est-ce que tu pourrais leur conseiller d'aller dans la région de Trois-Rivières? À Trois-Rivières, je leur conseillerais d'aller au Bucafin. Ça se situe sur la rue Saint-Maurice. Merci. Donc, le Bucafin qui est aussi une buanderie, un café et un petit café Internet, ma foi. Donc, c'est une très jolie place pour passer du temps. Et donc, ils sont aussi distributeurs des cafés Concept. Il y a aussi, dans beaucoup d'épiceries, je pense que les Provigo desservent maintenant du café équitable. Le Super C, un la café biologique des, ouais, aussi. La majorité des épiceries en desservent. Vous pourrez aussi en trouver au Cégep, je crois. Oui, ou à l'université ici, ou à la Chasse-Galerie. Tous les cafés qui sont servis à la Chasse-Galerie sont des cafés équitables. Par exemple, lorsque tu le prends pour emporter, ils te le servent dans un cop en mousse. qui pollue à long terme. Mais quand même, il y a déjà une volonté d'offrir des produits équitables. Peut-être qu'un jour, on sera aussi écologique. Mais vous pouvez acheter votre tasse à l'université. Donc, c'est à vous de voir à quel point vous voulez être équitable et écologique. Moi, Guillaume, je me demandais quelque chose. Si les grosses compagnies comme ça là, commencent à prendre le virage de l'écologie, puis de... est-ce que c'est parce qu'ils sentent la fin du monde arriver? Ma foi, Starbucks qui prend un virage écologique, ça me semble bien coué. C'est fou, 89.1, la seule radio musicale. Vous êtes toujours à l'émission C'était fou, l'émission qui rembobine C'est fou. Vous l'aurez entendu, c'était un extrait de l'émission Les Culturistes, animée par Alexandre Gauthier et Guillaume Cholet-Janson, diffusion originale 4 décembre 2006, sur le bingo à l'ère du recyclage et le café bio chez Starbucks. J'adorais cette émission qu'on appelait, dans son slogan, l'émission culturelle. Hein? L'imitation était pas pire. Ça sonnait très, très rétro pour un extrait d'il y a à peine 5 ans, j'aime bien. Bref, on fera ça une fois de temps en temps ici à l'émission C'était fou, à écouter des émissions vintage. C'est la mode, le vintage, le rétro. On aime ça, prise 2, c'est super populaire. Hein? Peau de banane, etc., etc., etc. Donc, revenons à notre semaine choisie pour cette édition de C'était fou, c'est-à-dire la semaine du 1er au 7 décembre 2006. On a entendu le top 3 tout à l'heure, donc on va fouiller dans les autres positions. À l'époque, c'était des top 15 francophones et anglophones. On avait aussi, bien évidemment, à cette époque-là, le top 3 des disques canadiens, le top 10 électronique, le top 10 loud et le top 30 des albums rock. C'est comme ça qu'ils s'appelaient à cette époque-là. Tout à l'heure, il va y avoir Patrick Watson avec Giver en 8e position anglo, mais on débute avec Tricot Machine en 11e position. Voici les peaux de lièvre. Au 89FM, c'est fou! Ou plutôt, c'était fou! Hein? Mais c'est pas parce que c'était fou que ça l'est plus, là. Éclipse du party, la neige crisse sur nos pieds, les flocons dansent doucement dans le vent. Mais c'est pas la faute du temps si je frissonne. Et nos mains se repèrent, et nos cœurs s'accélèrent. On se dit rien et pourtant on se comprend. Sous les premiers murmures de l'hiver, le désir nous harcèle. On coupe par les ruelles. Ça fait tellement longtemps qu'on s'attend. La nuit s'annonce si chaude et si belle. Ça fait du bien d'entendre cette bonne vieille pièce. J'adore la pièce, j'adore l'artiste, j'adore l'album. C'était Patrick Watson avec Giver du CD Close to Paradise en 8e position du palmarès anglophone de la semaine du 1er au 7 décembre 2006 parce que vous êtes à l'émission C'était fou, l'émission qui rembobine, c'est fou. Avant ça, on a entendu Tricot Machine avec Les Peaux de Lièvre. C'était en 11e position francophone à cette date-là. Il nous reste encore du temps. On va entendre tout à l'heure Brazilian Girls avec Rique. Mais on commence avec Malajube. Voici l'excellente pièce fille à plume de leur album Trompe-l'œil à C'était fou au 89.fr. ce soir. Feeling 15 minutes de Wired All Wrong en position numéro 6 anglophone de la semaine du 1er au 7 décembre 2006. C'est sur leur album Breakout the Battle Tape. C'est avant, c'était Brazilian Girls avec Rike de leur album Talk to the Bomb. C'était une nouvelle entrée en 15e place lors de cette célèbre semaine qu'on a choisie pour cette édition de C'était Fou. Et c'est déjà dessus pour tout. Pour C'était Fou pour cette édition. On se retrouve la prochaine fois avec une année un petit peu plus vieille. On va basculer entre les années, une année récente, une année plus vieille, une année récente, une année plus vieille. Parce que les plus vieilles années n'ont pas d'extrait audio, ce qui est malheureux. On n'a rien avant 2004. C'est comme ça. Bref, merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous avez apprécié le concept et peut-être que si vous écoutez C'est Fou, ça vous a rappelé des souvenirs. C'est peut-être de la grosse nostalgie. C'est à la mode ces temps-ci. Hein? C'est les enfants de la télé. Les affaires là-même, c'est bien, bien populaire. Allez voir assemblagerequis.com pour les notes de l'émission d'aujourd'hui pour télécharger la balado-diffusion de cette édition de C'était Fou. Et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir. Reste avec nous au retour de la pause. On revient dans le présent avec les palmarès C'est fou de la semaine du 10 au 16 janvier 2011 au 89.1 FM.